Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer donc cette première séance du séminaire intitulé Politique de Foucault. Philippe Combessy présentera tout à l'heure, juste après moi, le programme du séminaire et son esprit. Je voudrais dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir donc pour cette première séance consacré aux politiques de Foucault, Jean Terrel. Toute l'équipe d'animation s'associe à moi pour le remercier de s'être déplacé ce matin. Jean Terrel est professeur de philosophie à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3, et c'est un spécialiste de philosophie politique. Il a notamment consacré beaucoup de nombreux travaux aux philosophes de la souveraineté, à Bodin, à Bacon, à Hobbes, à Rousseau, hein. Et il a également, et c'est pour cela plus particulièrement qu'on l'a invité, consacré beaucoup de travaux, d'études, de commentaires aux aspects politiques, aux recherches politiques de Michel Foucault, et en particulier à ses travaux exposé dans ses cours au Collège de France, que nous avons tous peu à peu, pas à pas, découvert ou redécouvert au fil des publications. Il a tout en particulier consacré donc un livre donc qui s'appelle Politique de Foucault. Vous le constatez, sans aucun scrupule ni vergogne, nous avons emprunté ce titre pour notre propre séminaire. Et ce livre, Politique de Foucault, est justement consacré aux recherches exposées au Collège de France. Jean Terrel nous propose donc une communication qui s'intitule L'unité ou unité des politiques de Foucault, et donc nous sommes impatients de l'entendre finalement relever un défi qu'il s'est lancé à lui-même, c'est-à-dire dégager philosophiquement cette unité dans un ensemble de travaux qui peuvent paraître autant d'explorations très plurielles, dont l'unité justement n'est pas disons ce qui saute toujours aux yeux. En tout cas, donc nous sommes particulièrement heureux de l'entendre pour cette première séance. Ça allait d'une certaine façon de soi. Je passe la parole à Philippe qui va nous présenter le programme de cette année, sachant que nous avons l'ambition de faire un trajet un peu plus long, vers deux ans de séminaire, un véritable cycle de travaux et d'études et de réflexions qui seront entrecoupés par un colloque consacré au rapport Foucault-Marx en association avec le Collège international de philosophie et l'appui du Centre Michel Foucault. Juste un comment pour vous dire que donc, la grosse particularité, singularité de ce laboratoire, c'est de réunir des philosophes, des sociologues et des anthropologues. Et après deux ans consacrés à Pierre Bourdieu, il nous a semblé pertinent de travailler autour de Michel Foucault et de son œuvre, qui est sans doute un des, alors ça c'est résolument pas un sociologue, parce que là il a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas faire de sociologie, qu'il ne faisait pas de sociologie, mais sans doute c'est un des penseurs, philosophes, qui est parmi les plus utilisés, mobilisés, bien au-delà de la philosophie, et notamment par les sociologues. Voilà, donc... deux ans, bon, le programme de cette année est déjà bouclé, vous l'avez vu, mais je vais vous en dire quelques mots. Sans doute un colloque Foucault-Marx et un deuxième colloque autour, qui devrait s'appeler Espaces et moments autres, autour du devenir de ce texte de 67 dans lequel Foucault présente les hétérotopies, donc qui sera sans doute, qui aura lieu sans doute au printemps 2015. Et bon, pour cette année, donc Christian vient de nous présenter Jean Terrel. Samedi prochain, alors attention, pour ceux qui sont habitués, ce ne sera pas dans cette salle. Samedi prochain, ce sera dans la salle D04. C'est le 14. Le prochain samedi, qui sera le 14 décembre, François Boulan viendra nous présenter quelque chose qui s'appellera Foucault et la question carcérale, et qui aurait dû être le titre du livre qui, il y a une dizaine d'années, François Boulan avait consacré à la prison, mais vous savez que les éditeurs sont les propriétaires des pages de couverture et les quatrièmes de couverture, donc ils sont maîtres de ce qu'il y a sur le titre et tout. Et l'éditeur avait imposé Michel Foucault et les prisons. Donc là, avec le titre original, 10 ans après, François Boulan viendra nous présenter la question carcérale à travers Foucault. Ensuite, le 25 janvier, Catherine Deschamps, politique du sexe. Puis Christian Laval, Foucault, sécurité et surveillance. Le 15 mars, le 29 mars, Judith Revel, Foucault, sujet et pouvoir. Le 17 mai, Luca Paltrinieri, Foucault et la population. Et enfin, pour terminer l'année, le samedi 14 juin, Jean-François Bert, usage de Foucault dans les sciences humaines, qui correspond à un travail que mène Jean-François depuis sa thèse doctorat, son HDR, là, qui correspondra à un ouvrage qui sera paru quelques semaines plus tôt. Ce sera pour boucler cette première année de séminaire Foucault. Voilà. Très bien, merci. Ben, je passe donc sans plus tarder la parole à Jean Terrel, donc pour un exposé de 3/4 d'heure, 1 heure. Il peut prendre son temps, du moment qu'on a encore du temps pour discuter, échanger après. Bien. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, qui m'a fait un grand plaisir, puisqu'elle me donne l'occasion de revenir après 3 ans de recul sur les grandes thèses de mon livre. Alors, je le fais en m'interrogeant sur son titre, qui est donc, on l'a rappelé, celui de ce séminaire. En quel sens parlons-nous des politiques au pluriel de Foucault et non pas de la politique de Foucault? Quelle peut donc être l'unité de ces politiques? Alors, mon plan est très simple. Dans un premier temps, justement, j'essaye d'expliquer ce titre. Et dans un second temps, après avoir repéré les diverses attitudes plurielles de Foucault, je m'interroge sur leur unité. Alors, premier temps, pourquoi parler des politiques de Foucault et non pas de sa politique? Il me semble que parler de la politique de Foucault au singulier, ce serait se limiter à un moment particulier de son itinéraire, en gros celui qui va de 70 à 79, celui où il a privilégié le plus explicitement l'étude donc des relations de pouvoir et de gouvernement, et non comme auparavant, le savoir et la vérité, je fais allusion évidemment aux mots et aux choses et l'archéologie du savoir, ou comme ensuite l'éthique et les pratiques de soi, je fais allusion, disons, à la séquence 80-84. En parlant des politiques de Foucault, j'ai au contraire voulu montrer que la politique a toujours été présente dans la pensée de Foucault, mais sous des formes différentes. Et en particulier, on va y revenir, j'ai voulu montrer que Foucault ne s'est pas éloigné de plus en plus de la politique entre 80 et 84, comme on le prétend souvent. Alors, une précision d'abord, en parlant des politiques de Foucault, je n'entends pas désigner d'abord des positions politiques, disons, partisanes, enfin, sans prendre le mot partisan d'ailleurs dans un sens péjoratif, donc des positions politiques de prise de parti qui auraient varié ou même qui se seraient contredites au cours du temps, en gros, de sa jeunesse au sortir de la guerre, quand il est membre du PC, vous savez que Foucault était membre du Parti communiste de 50 à 52, à sa mort en 84. Il s'agit plutôt pour moi de constater diverses manières de se rapporter à la politique, et pour la clarté de l'exposé, de façon un peu scolaire, je repère 6 attitudes de Foucault, donc vous voyez, j'insiste dans un premier temps sur la pluralité, disons en partant de 68. Je reviendrai peut-être un petit peu à la fin sur la période antérieure. Alors, petit 1, première attitude, à partir de 68, c'est bien connu, du fait de son soutien aux étudiants tunisiens, il faut insister là-dessus, c'est un épisode important, juste avant 68, et du fait des événements de 68 en France auxquels il n'a pas participé, puisqu'il était en Tunisie à ce moment-là, la pensée de Foucault est en relation étroite, je dirais, avec un militantisme actif, hein, que tout le monde connaît, dans les mouvements qui prolongent 68, en particulier bon, le groupe Information Prison. Bon. De 69 à 76, donc le moment qui caractérise le moment de cette première attitude, la réflexion de Foucault est donc consacrée à ce qu'on peut appeler l'analytique des relations de pouvoir. Ce sont les 5 premiers cours au Collège de France et, comme livre, Surveiller et punir en 75. Ces cours et ce livre étant consacrés pour l'essentiel à ce qu'on peut appeler, je reprends un terme que Foucault utilise parfois, une dynastique, hein, une étude de ce qu'il appelle la dynastéia, en empruntant un terme au grec, c'est-à-dire une analyse des relations de pouvoir. Deuxième attitude, alors, et qui est inaugurée, à mon avis, par le cours de 76, Il faut défendre la société. Vous savez que c'est le cours qui était le premier publié en 77, un peu plus de 20 ans après avoir été prononcé. Et je dirais que ce cours, on peut le considérer, donc sommairement au moins, dans un premier temps, comme un adieu à une politique où l'idée de révolution, l'idée de violence révolutionnaire et la guerre des classes jouent un rôle central. Et cet adieu se fait, je dirais, à travers l'examen critique et généalogique de la définition de la politique comme guerre continuée par d'autres moyens, en retournant le célèbre adage de Clausewitz. En même temps, c'est un second aspect du cours 76, c'est pour ça qu'il est si important, la définition de la politique soumise à l'examen dans ce cours est générale et englobante. Hein, c'est une définition d'ensemble de la politique. Exercice à laquelle Foucault ne s'était jamais livré auparavant. Cela implique un constat, si vous voulez, qui est le suivant, la pratique des luttes dispersées, c'est-à-dire des différents comités de lutte sur des problèmes distincts, etc., et le travail théorique qui lui correspond, à savoir l'analyse des relations de pouvoir disséminées en somme dans toute la société, eh bien constate que cette façon de pratiquer, cette façon de théoriser est insuffisante. Le bilan critique qui ouvre le cours prépare donc le déplacement ultérieur vers l'étude des relations de gouvernement, en particulier politique, et l'étude de la biopolitique, deux thèmes auxquels les cours au collège de 78 et de 79 vont être consacrés après un an d'interruption, ce qui souligne l'importance du tournant de 76. Donc, la deuxième attitude qui est inaugurée en 76 apparaît plus explicitement politique que la première. Dans un rapport critique, puisque la première, si vous voulez, d'une certaine manière, la question politique d'ensemble n'était pas posée de front. Donc, plus explicitement politique que la première, dans un rapport critique avec la définition de la politique, qui était l'horizon implicite, non pas explicite, des compagnons de lutte de Foucault au moment de la première attitude, donc la politique comme guerre continuée. Alors la troisième attitude qui est préparée dans les leçons de 78, consacrée au pastorat chrétien, et qui est explicitement réalisée dans le cours de 80, consiste à se déplacer, c'est bien connu aussi, de l'analyse du gouvernement des autres à l'étude du gouvernement de soi-même. Et pourquoi ce déplacement? Parce que si le gouvernement est défini comme conduite d'une conduite, dans un espace qui est délimité en gros entre la pure contrainte et le consentement, eh bien, il est important d'analyser la manière dont quelqu'un se conduit. Bon. Le fait que l'étude du libéralisme comme forme de gouvernement, jugée en 79 indispensable pour comprendre la naissance de la biopolitique, semble s'effacer complètement ensuite jusqu'à la mort de Foucault. C'est-à-dire qu'après le cours de 79, on peut chercher, même dans les dits écrits, il n'y a pratiquement rien sur la question du libéralisme. Et un signe et un effet de cette troisième attitude. Mais je reviendrai sur cette question de l'effacement du libéralisme tout à l'heure. La quatrième attitude, donc, esquissée à plusieurs reprises à partir de 78 et réalisée, je crois, dans le cours de 81, consiste à ne plus se contenter de la critique des formes d'assujettissement impliquées par le pastorat chrétien et ensuite par les pouvoirs des psychologues et des psychiatres qui ont succédé à ce pastorat chrétien aux époques modernes et contemporaines. C'est-à-dire, en gros, comment dirais-je, la prise en compte de la question du sujet, mais de manière critique, en critiquant les formes de subjectivation, de façon uniquement critique, en critiquant les formes de subjectivation auxquelles telle ou telle technique gouvernementale était reliée. Donc, il ne se contente plus de cela. Pourquoi ? Eh bien, il s'agit pour lui de montrer la possibilité d'inventer de nouveaux rapports positifs à soi auxquels la critique de l'assujettissement pourrait s'adosser. Je présenterai les choses de la manière suivante. Puisque l'exercice d'un pouvoir ne se réduit pas à une action négative, à savoir interdire, réprimer, etc., ce que Foucault dit depuis pratiquement les années 70, hein, l'action de celui qui est gouverné ne peut se réduire à une réaction, à une résistance, c'est-à-dire à quelque chose de strictement négatif, mais doit s'adosser à une action aussi positive que celle à laquelle elle s'oppose. Foucault montre que la possibilité de formes subjectives nouvelles montre cette possibilité donc de formes subjectives nouvelles auxquelles la critique pourrait s'adosser en analysant les pratiques de travail sur soi qui se sont développées dans l'Antiquité avant le christianisme et d'une certaine manière de façon très différente de ce qu'il avait analysé dans le pastorat chrétien. Bon, c'est toutes les analyses sur les primeleia autu, le souci de soi des anciens, qui n'est pas présenté, je le précise tout de suite, comme un modèle normatif à imiter, mais sert plutôt à montrer qu'il est possible d'inventer des formes de subjectivation différentes de celles qui dominent aujourd'hui et dont le pastorat chrétien est la lointaine origine. Bon. Cinquième attitude. Je crois qu'elle est apparente dans le cours de 82, l'herméneutique du sujet. Je dirais, elle consiste à se déplacer, c'est peut-être un petit peu plus délicat, enfin, en tous les cas c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans mon livre, consiste à se déplacer de ce que j'appellerais une histoire de la gouvernementalité, parce que parler du gouvernement de soi-même, c'est toujours parler de la gouvernementalité, donc se déplacer d'une histoire de la gouvernementalité à une histoire de la pensée, ou mieux, parce que Foucault s'est corrigé, une histoire de la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dirais qu'une telle histoire de la vérité est l'étude des différents rapports possibles entre philosophie et expérience spirituelle. Hein, ce thème des rapports entre philosophie et expérience spirituelle est explicitement introduit en ouverture du cours de 82. Je dirais que le changement consiste à comprendre la relation entre sujet et vérité d'une manière nouvelle par rapport au cours de l'année précédente. En gros, on pourrait présenter les choses de la manière suivante. Il ne s'agit plus simplement de rechercher la vérité sur soi-même, c'est-à-dire appel au sujet pour qu'il se connaisse mieux, pour éventuellement, s'il s'agit du pastorat chrétien, qu'il se déprenne de ce moi de la chair, de ce moi pécheur. Hein. Donc il ne s'agit plus simplement de rechercher la vérité sur soi-même, pour se gouverner de telle ou telle manière, soit en s'arrachant au moi pécheur du pastorat chrétien, ou au contraire, dans certaines formes de psychologie moderne, en proclamant l'authenticité du moi et en prétendant le libérer de toutes les contraintes, mais pour Foucault, finalement, cette exaltation du moi après sa dépréciation, d'une certaine manière, n'est pas approuvée. Il s'agit maintenant, en 82, d'analyser les relations entre la transformation plus ou moins complète de soi est la découverte et la profération de la vérité, mais la vérité n'est plus simplement la vérité sur soi, il s'agit de la vérité dans un sens beaucoup plus large, beaucoup plus englobant, puisqu'il s'agit de la profération de la vérité sur le monde, sur les autres et sur soi-même. Mais le thème de la connaissance de soi n'est plus privilégié. Alors, et ici, à partir de là, on peut poser la question des rapports dans l'histoire de la philosophie entre philosophie et spiritualité. Je dirais qu'une philosophie étrangère à la spiritualité se contentera d'une transformation minimale du sujet. Et une fois atteinte, la connaissance n'aura pas pour effet un devenir radicalement autre du sujet. C'est-à-dire, au fond, c'est la question que Foucault pose en analysant des textes comme le discours de la méthode de Descartes. Pour connaître la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en position de se libérer des erreurs, des préjugés, etc. L'éthique et la politique, une transformation complète de soi et du monde ne sont pas impliquées. Si au contraire une transformation complète du sujet est en même temps condition et effet d'une production et d'une profération du vrai, la philosophie devient expérience spirituelle. Alors, on va voir en quel sens il faut entendre cette notion d'expérience spirituelle, je vais y revenir, c'est un point délicat. Alors, en apparence, cette problématisation qui met au centre de la réflexion le problème de l'histoire de la vérité, entendu comme je viens de le faire, nous éloigne de la politique ou nous éloigne en fait des relations de pouvoir et de gouvernement. D'ailleurs, ça se voit dans les titres que j'ai choisis, histoire de la vérité d'un côté, histoire de la gouvernementalité de l'autre. Alors, ces trois dernières attitudes, la troisième, la quatrième et la cinquième, on fait croire à certains que Foucault s'était éloigné de la politique, alors après avoir renoncé dans un premier temps à l'activisme militant dans les mouvements post-68, c'est la deuxième attitude, c'est le tournant de 76, et ensuite, en s'étant déplacé vers l'éthique, alors l'éthique est encore en rapport avec la politique, mais elle est simplement condition de la résistance et de la critique au sens politique, donc on est plus dans la politique directement, dans les conditions subjectives et éthiques de la politique. Et enfin, avec ce nouveau sens de la notion de vérité, cette référence à l'expérience spirituelle, je dirais l'éloignement par rapport à la politique serait maximal. Mais je vais essayer de montrer que les deux derniers cours de Foucault au Collège de France, et donc la sixième attitude, nous interdit d'en rester là. Alors, sixième attitude, en effet, et c'est l'attitude illustrée, je crois, en 83 et en 84, dans les deuxièmes cours, Foucault met en évidence la différence entre deux formes d'expérience spirituelle. Je vais y revenir dans la suite de mon exposé. En privilégiant une expérience d'altération de soi et du monde dont la politique est une pierre de touche. Donc, au contraire, les deux derniers cours nous montrent en fait que cet éloignement de la politique n'était qu'apparent. Mais je vais revenir sur ce que veut dire cette attitude, cette définition, ce choix, cette prise de parti pour une expérience spirituelle, encore une fois, qui est une expérience d'altération de soi et du monde, et dont la politique est la pierre de touche. Alors, deuxième temps de mon exposé, je regarde l'heure quand même pour ne pas parler trop longtemps, unité de ces attitudes de Foucault. Alors, je vais essayer maintenant de déterminer les liens entre ces attitudes, le type de continuité qui fait qu'à chacun de ces moments, il y a, je dirais, une unité de l'itinéraire de Foucault. Alors, on peut partir de Foucault lui-même, puisque vous savez que Foucault, à chacun de ces moments, il revient sur les moments intérieurs, il le fait pratiquement toujours, non pour les annuler, mais pour les réinterpréter. C'est-à-dire qu'à la lumière du nouveau moment, si je peux dire, il revient sur les moments intérieurs pour jeter un regard rétrospectif. Alors, par exemple, dans la dernière préface qu'il a publiée, et qui était fini pratiquement fin 83, en novembre 83. Il parle, c'est un texte très célèbre, donc ce texte se trouve dans l'Histoire de la sexualité, tome 2, l'usage des plaisirs, page 17. Je cite, il parle de l'ironie des efforts pour changer sa façon de voir, et puis cette phrase très célèbre, on croyait s'éloigner et on se trouve à la verticale de soi-même, pensant seulement ce qu'on pensait déjà, mais sous une lumière plus nette. Alors, je vais essayer d'illustrer ce propos en examinant trois questions. Alors, j'énumère d'abord les trois questions, puis ensuite j'y reviens en détail. Première question. En novembre 83, c'est-à-dire très peu de temps avant sa mort, six mois avant sa mort, dans la seconde version quasi définitive de l'introduction des deux tomes de l'Histoire de la sexualité publiée en 84. Foucault résume son projet d'ensemble, constant, en parlant d'une histoire de la vérité. C'est à ce moment-là qu'il introduit la notion d'histoire de la vérité en la préférant à la notion d'histoire de la pensée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend ainsi, au moins dans la formulation, le projet inaugural des cours au collège en décembre 70. Le projet d'une histoire de la volonté de vérité. Alors, histoire de la volonté de vérité, voyez la leçon inaugurale au Collège de France, hors des discours, page 15-23, ou encore une histoire des discours vrais, leçon sur la volonté de savoir, page 5, ou encore une histoire de la vérité qui soit une histoire politique de la connaissance, la vérité et les formes juridiques, c'est dans les 10 écrits, le premier tome, numéro 139, page 1420. Alors, en apparence, la reprise en 83-84 d'une formule des années 70 marque une discontinuité radicale, en fait. C'est la même formule, mais apparemment, on est tenté de penser une discontinuité radicale. D'un côté, 70, volonté de critiquer la volonté de vérité pour mettre en évidence, en combinant l'héritage de Nietzsche et de Marx, la guerre des classes et les rapports de domination qu'elle recouvre, en dissimulant précisément qu'elle en défend. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté de vérité, à ce moment-là, c'est un moyen illusoire de dissimuler les rapports de domination, la lutte de classe, alors qu'on en dépend. Donc, en gros, je dirais que le rapport à la volonté de volonté en 70 est critique, est pratiquement uniquement critique. Et de l'autre, en 84, valorisation positive de la volonté de vérité dans l'usage subversif de la parésia. D'ailleurs, la notion de volonté de vérité, enfin, je n'ai plus la référence exacte, est présente explicitement dans le dernier cours. Alors, cette question, je ne l'ai pas examinée dans mon livre, tout simplement parce que le premier cours n'était pas publié, mais je l'ai examinée dans le premier texte des cahiers philosophiques, là, où j'analyse le rapport, justement, entre la volonté de vérité, en gros, en 70, et la volonté de vérité présente dans la parésienne. C'est quel référence ? Alors, c'est le cahier philosophique numéro 130. Et c'est un dossier qui s'appelle « Foucault, une politique de la vérité ». D'accord. Et mon texte s'appelle « De la critique de la volonté de vérité au courage de la vérité ». Donc c'est paru en 72. Oh non, c'est paru il n'y a pas longtemps, 2012, il y a un 2012, an, par là. 2012. Je ne sais plus quand. Oh, je ne sais plus, tiens, tu vois. 2012, troisième trimestre 2012. 2012, bon. Alors, donc, c'est la première question que sur laquelle je vais revenir, si vous voulez, tout à l'heure en détail, un peu plus en détail. Le deuxième point que je veux traiter, pour essayer d'explorer ce thème de l'unité des politiques de Foucault, je vais essayer d'illustrer directement le propos de 83 que j'ai lu tout à l'heure, c'est sur le fait qu'on se retrouve à la verticale de soi-même, etc. En comparant les derniers mots que Foucault avait prévu de prononcer le 28 mars 84 en clôture de son dernier cours sur le courage de la vérité, mais en fait, il ne les a pas prononcés parce qu'il n'a pas eu le temps. Donc, je vais comparer ce texte avec la description qu'il propose en 78, dans un entretien qui me paraît très important, de l'expérience de sa génération entre 46 et 63. Donc là, vous voyez, on compare plus 70 et 84, on compare 84 et même la jeunesse de Foucault, quoi, le moment où il était au PC. Alors, je commence par le texte où en 78, il décrit l'expérience de sa génération dans l'après-guerre. Ce texte me paraît très important. Je lis ce texte. L'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivions. Cette société qui avait permis le nazisme, qui s'était couché devant lui, je saute, face à tout cela, on voulait être complètement autre, dans un monde complètement autre. Hein ? Donc c'est Foucault qui décrit son expérience de l'après-guerre quand il avait entre 20 et 22 ans. Or, en mars 84, Foucault avait prévu de comparer l'attitude cynique et l'attitude du platonisme comme deux manières possibles de vouloir la vérité. Je cite ce texte pour le comparer avec celui de 78, donc à propos de cette volonté collective de la génération de l'après-guerre d'être complètement autre, je reprends la formule, dans un monde complètement autre. Donc voici donc le texte que Foucault n'a pas eu le temps d'utiliser le 28 mars. Je lis ce texte qui me paraît aussi très important. Platonisme et cynisme représentent deux grandes formes qui se font face et qui ont donné lieu chacune à une généalogie différente. D'un côté, la psyché, c'est le mot qui en grec veut dire âme, hein, pour ceux qui ne sont pas hellénistes, la connaissance de soi, la purification, l'accès à l'autre monde, hein, c'est la voie platonicienne évidemment, de l'autre côté, le bios, c'est un terme qui veut dire vie en grec, la mise à l'épreuve de soi-même, la réduction à l'animalité, le combat dans ce monde contre ce monde. Mais ce sur quoi je voudrais insister pour finir, c'est ceci: il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle d'altérité. La vérité, ce n'est jamais le même. Il ne peut jamais y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. Sauf qu'il y a deux façons de comprendre cet autre monde et cette vie autre, la façon cynique et la façon platonicienne. Alors, s'il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle d'altérité, si la vérité, je reprends le texte, ce n'est jamais le même, s'il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie haute, la voie choisie par Foucault, inspirée du cynisme, est celle de la recherche de cette altération, je dirais, dans l'immanence du monde, le combat dans ce monde contre ce monde. Hein ? Ou encore, pour reprendre la description de 78 de l'attitude de la génération de Foucault devant le désastre du nazisme et du régime de Vichy, la volonté d'être complètement autre dans un monde complètement autre. Bon. Et il me semble qu'il y a une continuité assez extraordinaire entre les années d'après-guerre, l'entretien de 78, bon, et je le rappelle, qui est pratiquement contemporain des textes de Foucault à propos du soulèvement sur l'Iran, hein, on va peut-être y revenir tout à l'heure encore, et donc la conclusion ultime du dernier cours. Bon, et troisième question que je voudrais aborder, donc là c'est un peu programmatique ce que je dis, je voudrais dire enfin quelques mots, si j'en ai le temps, sur l'apparente disparition à partir de 80 de la question du libéralisme. Et donc je vais traiter les deux premières questions ensemble, si je puis dire, avant de venir à la troisième, à la question du libéralisme. Bon, alors, premier temps donc de cette reprise. Foucault lui-même, avec une certaine malice, nous incite à comparer son attitude en 70 et en 83-84, en parlant de nouveau, comme dans les années 70, donc je le répète, d'une histoire de la vérité. Malice, parce qu'on est d'abord sensible à la discontinuité et qu'on est donc tenté d'en rester là. En 70, Foucault semble même, je dirais en utilisant Nietzsche, être plus marxiste que les marxistes, enfin être une espèce de marxiste ultra-gauchiste, je dirais, en s'abstenant d'autonomiser la science et la vérité par rapport aux relations d'exploitation et de domination, comme le faisait Althusser et ceux qui le suivaient, quand il distinguait la science de l'idéologie. Vous savez que, précisément, Althusser, contre ceux qui disaient science bourgeoise et science prolétarienne, distingue la science et l'idéologie et dit il y a une idéologie bourgeoise, une idéologie prolétarienne, mais la science elle-même, on ne peut pas la faire dépendre aussi étroitement que l'idéologie de la lutte de classe. Bon, et apparemment, quand Foucault parle d'une histoire politique de la connaissance ou d'une histoire politique de la vérité, eh bien, il prend le contrepoint, si je puis dire, de cette attitude d'Althusser. Et on en a conclu, évidemment, malgré les protestations constantes de Foucault, que pour lui, la vérité n'existait pas, ce qui est une façon de dissoudre la vérité. Par exemple, voici ce que Foucault déclare dans un entretien paru en 84. Ce que j'essaye de faire, c'est l'histoire des rapports que la pensée entretient avec la vérité, l'histoire de la pensée en tant qu'elle est pensée de la vérité. Tous ceux qui disent que pour moi la vérité n'existe pas sont des esprits simplistes. Bon. Or, il me semble que le retour de 84 au thème de l'histoire de la vérité révèle ce que la critique de 70 risquait de dissimuler, mais qu'on trouve déjà dans la critique 70 si on la lit vraiment de façon très attentive. J'ai essayé de le montrer dans cet article. Je dirais qu'à la vérité impartiale, éternelle, étrangère à l'histoire critiquée en 70, ou encore, pour reprendre les termes de 84, à une volonté de rupture avec le monde d'ici-bas en se rendant étranger à l'histoire, à ses conflits, ça serait ce que Foucault appelle la voie du platonisme. Il faut opposer une autre volonté de vérité, comme courage et sérieux de la critique, invention d'un rapport à soi, où la vie se conforme aux paroles, dans l'immanence d'une expérience historique et politique singulière. Pour répondre aux accusations de relativisme et de nihilisme que Foucault a pu favoriser en mettant lui-même si longtemps l'accent sur la critique, c'est-à-dire sans montrer quel était l'envers positif de la volonté de vérité, en somme. Il faudrait montrer que le discours vrai ne se réduit pas pour lui à une fiction, même s'il est aussi une fiction, qu'il ne se réduit pas à la création d'une nouvelle forme de subjectivation, en même temps provisoire, mais ne valant que pour chacun, en gros, comme conviction manifestée par la conformité de la vie et du discours singulier que l'on tient. Je dirais que pour que les expériences singulières puissent se rencontrer, pour qu'un « nous » puisse advenir, et si on regardait les textes sur l'Iran, sur le soulèvement en Iran, on verrait que la notion de « nous » est très importante. Pour qu'un « nous » puisse advenir, pour qu'on accepte de risquer sa vie et de se sacrifier pour ce nous, comme dans l'expérience du soulèvement. La vérité doit nous dire quelque chose sur la réalité des autres et du monde. Il faut donc que quelque chose de la définition réaliste du vrai résiste à la critique. Il faut que le vrai ne soit pas purement et simplement une fiction. Tout se passe comme si Foucault se proposait d'aller jusqu'au bout de la critique des formes usuelles de la volonté de vérité pour se prémunir contre l'idéalisme et le spiritualisme. Je dirais, tout se passe comme si Foucault se proposait d'aller au bout de la critique historiciste pour découvrir, en reprenant ce qu'il dit en 78 du soulèvement, je cite, « ce qui, coupant le temps en deux, dresse les hommes à la verticale de leur terre et de leur humanité. » Formule un peu énigmatique, mais qui montre bien qu'une définition intégralement historiciste de la vérité n'est pas pertinente. Car la vérité pour laquelle on accepte de mourir, parce que d'autres auparavant sont morts pour elle, ne peut être seulement une fiction provisoire, une forme subjective particulière destinée à être à son tour remplacée par une autre, et ceci indéfiniment. Comme le soulèvement, cette vérité doit être, je cite encore, ce qui dans l'histoire échappe à l'histoire. Alors, évidemment, j'excède dans ce que je dis ici la lettre de ce que dit Foucault. Mais je pourrais citer d'innombrables entretiens où Foucault dit « La question de la vérité et du rapport entre ce qu'il y a d'artificiel dans la vérité, de fictif dans la vérité, et le fait que quand même, quand il y a un discours vrai, on ne peut pas dire n'importe quoi, on doit être sérieux, on doit s'entourer de toutes les préoccupations scientifiques possibles, etc. » Il y a d'innombrables textes de Foucault où il dit que cette question a toujours été pour lui extraordinairement difficile, comme s'il ne l'avait pas parfaitement résolue. Bien. Alors, deux mots, et puis je laisse là encore, sur la question du libéralisme, c'est-à-dire sur l'apparente discontinuité qui fait que, après avoir valorisé la question du libéralisme dans le cours 79, puisqu'il dit qu'on ne peut pas comprendre la biopolitique sans analyser le libéralisme, brusquement, si je puis dire, pendant 4 ans, il y a un silence à peu près complet. Alors, ma thèse est la suivante, je dirais que la disparition de cette question ne signifie pas que Foucault s'en est désintéressé, parce qu'il s'est de plus en plus éloigné de la politique, mais s'explique plutôt par un fait tout simple, à savoir par le fait que l'itinéraire de Foucault était brutalement interrompu par la mort. Et je vais essayer de le montrer en montrant le grand intérêt et à la fois le caractère inachevé des analyses sur le libéralisme entre 78 et 79. Bon, alors, je vais aller vite, hein. Premièrement, pourquoi ces analyses m'intéressent? Pourquoi j'ai consacré quand même un chapitre important de mon livre à cette question? Il me semble que le principal intérêt des analyses de Foucault, c'est de toujours mettre en évidence l'attention interne à toutes les formes de libéralisme, classiques ou contemporaines. D'un côté, une manière libérale de gouverner implique toujours la vigilance critique, le soupçon que l'on gouverne trop. Bon, d'où, évidemment, toutes les interprétations qui ont dit « Foucault fait l'éloge du libéralisme ». Bon, et de l'autre, parce qu'il y a toujours un envers à cet éloge, je puis dire, Foucault montre que cette manière douce et économe de gouverner sert in fine une gouvernementalité de plus en plus envahissante, colonisant des domaines autrefois étrangers à la politique, comme la vie, et sollicitant toujours davantage le consentement des sujets et leur identité subjective. Alors, si on regarde tous les textes de Foucault sur le libéralisme, il y a toujours cette tension qui est mise en évidence. Et de ce point de vue, tout le travail de Foucault entre 80 et 84, qui insiste tant sur l'appel au consentement et à l'usage économe de la contrainte dans le gouvernement, ne nous éloigne qu'en apparence du libéralisme. Que c'est une façon aussi d'illustrer tout un aspect de l'analyse du libéralisme en 78 et 79. Alors, je crois que mettre en évidence cette tension interne, qui est manifeste dans les crises des différentes formes de gouvernement libéral et qui se retrouve dans les diverses formes de néolibéralisme, nous prémunit, il me semble, contre les analyses qui insistent trop et surtout uniquement, je dirais, sur l'aspect systématique de certaines formes de néolibéralisme. C'est vrai que ces aspects systématiques existent, mais si on insiste trop sur la cohérence de telle ou telle forme de néolibéralisme, alors il est difficile de montrer, comme Foucault le fait, je dirais, le lien qu'il peut y avoir entre les tensions internes aux différentes formes de libéralisme et les possibilités de résistance. Mais là, évidemment, il y a une position d'équilibre à trouver, parce que si on insiste trop sur les tensions internes de telle ou telle forme de néolibéralisme, on va développer un espèce d'utopisme. Enfin bon, on pourra en parler dans la discussion, c'est-à-dire montrer qu'en fait, le système est en crise et nous offre quasiment spontanément des possibilités immenses de résistance et de démocratisation, ce qui serait aussi illusoire. Donc il y a un espèce de point d'équilibre à trouver entre repérer les failles du système sans tomber dans une espèce d'utopisme, qui ne serait pas de mise. Alors, avec le recul, je vais essayer de montrer maintenant en quoi les analyses de Foucault sur le libéralisme sont inachevées, hein, inachevé et peut-être sur certains points en allant un tout petit peu plus loin que ce que j'ai dit dans le chapitre de mon livre. Alors, déjà, il y a un premier point que je voudrais signaler, sur lequel Barbara Stiegler a attiré mon attention dans un exposé récent qu'elle a fait à Milan. Là, on était à Milan ensemble, et elle a fait un exposé sur cette question-là. Elle dit, il y a une espèce de paradoxe des analyses de Foucault, je crois qu'il a entièrement raison, c'est que d'un côté, il dit que la question du libéralisme est liée à la question de la biopolitique, hein, il dit que c'est, pour analyser la biopolitique, il faut analyser la question du libéralisme, mais d'un autre côté, quand il analyse telle ou telle forme du néolibéralisme, par exemple le rapport Lippmann, bon, au fond, le lien qu'il y a, par exemple, alors elle l'a montré en détail dans son exposé, le lien qu'il y a entre l'analyse de Lippmann et la biopolitique, qui est sensible par exemple dans les rapports entre Lippmann et Bergson, qu'elle a analysé en détail, Foucault n'en parle absolument pas. Bon, mais à la limite, ça, c'est pas tellement critiquer Foucault, c'est montrer qu'on peut se saisir précisément de l'orientation générale qu'il a donnée, c'est-à-dire lien entre le libéralisme et le néolibéralisme et la biopolitique, pour aller plus loin que ces analyses. Donc ça, c'est un des points sur lequel les analyses de Foucault sont inachevées. De même, d'ailleurs, sur un point très important dans le cours sur la naissance de la biopolitique, qui est la question de la phobie d'État et la question de la phobie du nazisme. Alors, je rappelle que dans le cours, cette question de la phobie de l'État, c'est-à-dire l'envers de l'étatisme, c'est-à-dire il y a une valorisation positive de l'État, par exemple, dont Foucault accuse, par exemple, certains marxistes, mais de l'autre côté, dont il accuse aussi évidemment les grands théoriciens de la souveraineté, ben ça va de soi, mais de l'autre côté, il peut y avoir une valorisation négative de l'État si on est toujours en train de faire de l'État une espèce de cible, des luttes et de la critique. Bon, or, ce thème de la phobie de l'État dans le cours est très important, puisqu'il y a un premier texte sur la phobie de l'État, si vous avez en tête le cours, sur la phobie de l'État, en ouverture de l'analyse de l'ordolibéralisme et en fermeture des analyses sur l'ordolibéralisme, il reprend le thème de la phobie de l'État. Donc ce thème de la phobie de l'État encadre toute l'analyse de l'ordolibéralisme. Et ça permet à Foucault de montrer que la survalorisation positive et négative de l'État rend la gouvernementalité libérale aveugle sur le surpouvoir qu'elle produit. En fait, la gouvernementalité néolibérale produit du surpouvoir, mais finalement, en avançant toujours cette phobie de l'État, elle dissimule un petit peu le surpouvoir qu'elle produit elle-même. Bon, ceci étant, j'ai commencé à le faire dans le chapitre du livre, mais on peut le développer un tout petit peu plus. Je veux dire que ce que Foucault dit de la phobie de l'État qui se manifeste par la phobie du nazisme chez les ordolibéraux allemands est en partie une reconstruction rétrospective. D'une part, parce que les grandes thèses de l'ordolibéralisme sont antérieures au nazisme, et d'autre part, parce que alors là, je l'ai dit dans des notes justement, mais ça sera un point analysé de façon précise. Si on regarde ce qu'ont fait les ordolibéraux pendant la période naziste, en fait, il y en a effectivement qui ont été anti-nazis, hein, comme Eucken, Rustoff et Röpke, mais il y en a d'autres qui allaient être ensuite influencés par l'ordolibéralisme, comme le plus célèbre, c'est Erhard, évidemment, mais il y a également Müller, Harnack, qui ont vu dans la politique économique des nazis la réalisation des thèses ordolibérales, et qui se sont dépris du nazisme assez tardivement, c'est-à-dire simplement au moment où les choses commençaient à aller mal sur le front de l'Est. Hein. Bon. Et de même encore sur cette question de la phobie de l'État, de la phobie de l'étatisme, il me semble qu'il y a une espèce d'amalgame qui est fait entre, par exemple, Hayek et les ordolibéraux. Bon, si on peut dire effectivement qu'il y a une certaine phobie de l'État, si Hayek, je crois que le thème de la phobie de l'État convient assez à Hayek, c'est beaucoup moins vrai pour les ordolibéraux et même pour Lippmann, parce que quand on regarde les débats précisément au moment du colloque, on s'aperçoit que ils étaient loin d'être tous hostiles à l'intervention de l'État. Il y a même tout un courant qui s'appelle néolibéral à cette époque-là, qui est assez proche finalement du New Deal de Roosevelt et qui pense que précisément l'erreur des libéraux du 19e siècle, c'est d'avoir été anti-étatiste et qu'au contraire, il y a besoin d'une régulation politique. Il y a besoin d'une régulation politique. Barbara en a parlé aussi dans son exposé sur Lippmann, là, il y a 15 jours, en montrant que par exemple, Lippmann n'avait pas été toujours hostile au New Deal. Il y a une période où, au contraire, il est très favorable au New Deal. Bon, donc, en fait, ce thème, ce qui montre d'ailleurs, en gros, qu'il faut peut-être faire exploser cette notion de néolibéralisme. Il y a des néolibéralismes. Hein, le concept de néolibéralisme est peut-être un concept un peu attrape-tout, qu'il y a des formes de néolibéralisme extrêmement différentes. Bon, et puis dernier point sur lequel je crois que l'analyse de Foucault aussi est inachevée, il me semble qu'il y a une sous-estimation dans l'analyse de Foucault. De la différence, à mon avis, quand même, qui est très importante entre quelqu'un comme Hayek, qui est très marqué par la tradition anglaise de la common law, qui est très marqué par l'empirisme anglais, c'est-à-dire qui se méfie, qui développe une forme de, comment dirais-je, un éloge du marché, qui est une espèce d'éloge de la spontanéité des rapports de marché, et ce que font les ordo-libéraux, qui disent, pour que qui déduisent à la manière quasiment kantienne et husserlienne, pour qu'un marché marche, il faut premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, c'est-à-dire qu'ils sont très influencés par l'idéalisme allemand et donc qui construisent, si vous voulez, un espèce de système idéal sur ce que devrait être la régulation économique pour que ça marche, si je peux dire. Mais en particulier, il faudrait un État fort, mais qui soit impartial, qui soit comme un bon arbitre sur un terrain de foot, etc. Bon, évidemment, ce qui a peut-être du mal à se réaliser dans la réalité. Voilà. Bon, donc, tous ces points pour montrer qu'en réalité, les analyses de Foucault sur libéralisme sont extrêmement intéressantes. Elles sont inachevées, mais elles sont inachevées non pas parce que Foucault s'est désintéressé de la politique, mais tout simplement parce que Foucault, le programme de recherche de Foucault était interrompu de façon complètement inopinée, quoi, finalement. Et je crois que c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Merci Jean. Donc. Un quart d'heure. On est tout à fait dans les temps. Donc merci pour ce bel exposé qui pose de multiples questions, de multiples problèmes, d'autant qu'il avait comme titre donc l'unité des politiques de Foucault, donc qui pourrait effectivement se demander quelle serait la formule de cette unité. Est-ce que ça serait par exemple le fait que pour Foucault il n'y a de politique que d'expérience? Le mot expérience, tu l'as utilisé pour parler des expériences spirituelles, mais au fond on a le sentiment que depuis le début et jusqu'à la fin, politique est toujours appréciée à partir d'expériences, d'altérations de soi et du monde, les deux étant justement problématisés sans cesse de façon variée. Bon, mais à vous les remarques, les questions. Oui, juste une question. Le concept d'altération du milieu propre, ou c'est celui? Ah non, c'est celui de Foucault. C'est celui de Foucault, et dans le texte que. Oui, je crois que le mot y est, dans le texte qu'il n'a pas prononcé en 84. Ça devait être la conclusion du cours. La vérité implique l'altération de soi-même du monde. Oui, c'est Foucault. Je voudrais un peu le dire, qu'est-ce que ce concept doit à la connaissance par altération, parce que vous avez développé sur connaissance par altération, qu'est-ce que ce concept doit à la connaissance, à une tradition, la connaissance par altérité, donc à l'époque de Foucault, je pense à Merleau-Ponty, je pense aussi à la valide sur la patristique, donc dans le christianisme, connaissance par altérité. Ouais. Donc altération, il y a peut-être un décalage, une bifurcation, une idée de domination dans l'altérité. Quand il introduit le texte de la notion d'altération, elle est présente dans le texte de 78 où il décrit son expérience de jeunesse, mais à ce moment-là, le mot altération a un sens pratique, c'est-à-dire il n'est pas en rapport avec la vérité, c'est s'altérer soi-même et altérer le monde, mais la vérité n'est pas présente. Alors ce qui est intéressant dans le texte qui devait conclure le cours de 84, mais qui est présent aussi dans l'analyse du cynisme, dans tous les chapitres de ce cours sur le cynisme, c'est la notion d'altération, c'est le rapport entre altération et vérité. Alors, il me semble qu'il y a cette idée, il y a une première idée, c'est que pour découvrir la vérité, l'altération elle est subjective, là, il faut s'altérer soi-même. C'est-à-dire que la découverte de la vérité ne va pas de soi. Hein. Donc il y a derrière le terme d'altération, il y a l'idée de devenir autre pour se mettre en position de découvrir la vérité, de la proférer. Et ensuite, il y a le fait que la vérité proférée, ensuite, elle est polémique. Elle est polémique par rapport, elle est provocante. Hein, par rapport aux auditeurs qui sont appelés à se transformer, qui peuvent prendre très mal l'injonction, enfin au contraire, qui peuvent se retourner contre le parisias, si je puis dire. Et puis donc proférer la vérité, c'est s'appeler soi-même et appeler les autres à se transformer, à transformer le monde. Et puis il y a peut-être sur le plan interne aux connaissances, l'idée sur laquelle Foucault a insisté, que rien ne va jamais de soi, et que donc une vérité qui est définitive, une vérité qui ne peut pas être altérée, si je puis dire, n'est pas une vérité. C'est-à-dire, en gros, ce qui définirait la vérité, ça serait l'altérabilité, peut-être. Il y a cette idée aussi qui est très présente, sur laquelle il insiste tout le temps sur la notion de problématisation, ça veut dire ça. Ça veut dire que tout est critiquable, non pas au sens où tout serait à rejeter, mais, pour adhérer à une vérité, il faut se demander si elle est vraiment une vérité, si elle va de soi, etc., etc. C'est à la fois une figure épistémologique, oui. Une figure politique aussi. Oui, une figure politique, une figure éthique. Il y a une dimension épistémologique, il y a une dimension éthique. Hein? Ça ne doit rien à Merleau-Ponty, parce que l'essence par laquelle. Mais je ne sais pas, je ne crois pas que ça doit quelque chose à. Je ne crois pas, mais bon. Stéphane, une demande d'explication là aussi sur les termes. Vous dites à un moment, pour Foucault, la vérité, c'est ce qui, dans l'histoire, échappe à l'histoire. C'est une formulation de Foucault. Non, alors là j'ai dit explicitement, donc ça, c'est à propos du soulèvement. À propos du soulèvement, c'est-à-dire c'est dans les textes sur l'Iran. C'est d'une part dans les textes sur l'Iran, et puis un texte qu'il a fait également à l'occasion de la mort de Clavel. Il était très ami de Clavel, mais c'est pratiquement contemporain des textes sur l'Iran. Hein. Il y a une espèce de rencontre avec Clavel. Vous savez que Clavel était chrétien, ce qui n'était pas du tout Foucault. Et il y a un texte sur la mort de. Alors, moi, ce que je dis, sur la vérité, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que quelque chose dans la vérité. Ça, c'est Jean Terrel. C'est-à-dire, là, je vais. Mais je dis simplement. Le thème du sacrifice. C'est-à-dire qu'au fond, si se soulever, c'est simplement, si on est dans une espèce d'historicisme vraiment radical, c'est-à-dire, une vérité en en chasse une autre, une forme de subjectivation en change une autre, etc. Pourquoi accepter de mourir, pourquoi accepter de sacrifier sa vie pour devenir autre de ce qu'on est et pour altérer le monde. Si on veut que mon expérience d'altération de moi-même et du monde rencontre celle des autres, pour qu'il y ait quelque chose comme nous, il faut peut-être qu'il y ait quelque chose dans la vérité qui échappe à la réduction historiciste, qui est pourtant nécessaire. Et alors, le fil que je tiens, si vous voulez, je relis ça au fait que Foucault a toujours dit que la question de la vérité était pour lui difficile et peut-être jamais résolue. Ça, il y a des textes explicites de Foucault. Et là, si vous voulez, c'est un peu le rapport entre la vérité en tant qu'elle est produite, c'est-à-dire que quand il dit que la vérité est une fiction, c'est ce qu'il veut dire, c'est fingere, c'est-à-dire qu'il y a un artifice dans la vérité, elle est produite, elle est construite, etc. Et dans ses textes, évidemment, il est toujours en lutte contre la fameuse définition, je dirais, réaliste de la vérité comme adéquation de l'idée de la chose. Il y a ces textes-là, et il dit en même temps, on ne peut pas dire n'importe quoi, je me suis toujours soumis à la critique, épistémologiquement, si vous voulez, c'est un peu le... Je me suis toujours soumis à l'argumentation rationnelle, à la critique, aux preuves, en essayant d'avancer des arguments qui étaient vérifiables, etc. Et là, on retrouve aussi la question du « nous ». C'est-à-dire que ce qu'il peut partager avec les autres quand il écrit l'histoire de la folie ou quand il écrit... Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, juste pour continuer un petit peu, c'est que finalement, ça montrerait un rapprochement très net, très clair et quasiment explicite entre Foucault et Bourdieu sur cette question-là. Parce que Bourdieu ne dit absolument rien d'autre dans le fait que finalement, il y a toujours des discours produits qui revendiquent le monopole de la véridiction, mais que d'un autre côté, il existe une sorte d'universel qui précisément peut être procuré par la mise en place de contraintes scientifiques permettant de ne pas dire n'importe quoi. Ma question était sur le fait de savoir si l'expression échapper à l'histoire. Non, pas pour la vérité. N'est pas de Foucault. Pour la vérité, non. D'accord. Pour le soulèvement. Mais pas pour la. Je l'ai jamais trouvé chez Foucault, non. Je l'ai jamais trouvé chez Foucault, non. Non. Oui, Jacques Binet. Voilà. Peut-être dans le prolongement, parce que les contraintes que vous avez évoquées à propos de la vérité et de son irréductibilité à un pur historicisme sont d'un côté, c'est bien vrai, des contraintes scientifiques, mais de l'autre côté, il y a cette référence au sacrifice qui est aussi... Oui. Et au fond, ça me rappelle un peu la formule de Pascal, je crois, les témoins qui se font égorger, oui. Ce qui ne veut pas dire banalement que voilà, les témoins évangéliques sont vrais parce qu'ils se sont laissés égorger, mais qui est beaucoup plus proche du sacrifice comme épreuve suprême, d'une certaine manière. Alors, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas prendre l'ensemble de ces thèmes de ces dernières années comme une sorte de retour de thèmes théologiques qui ont bercé d'une certaine façon la prime jeunesse de Foucault, parce que ce débat entre la pureté, on peut l'appeler platonicienne, et la mise à l'épreuve, se mettre les mains dans le cambouis, ou l'épreuve de soi, beaucoup plus... au fond, c'était les thèmes qui remplissaient les pages du christianisme en train de se retourner au cours des années 50-60. Ce sont un peu les thèmes de la revue Esprit dans cette période. Alors, oui. Donc ce amitié avec Clavel ne me semble pas si surprenant d'une certaine façon. Oui. Enfin bon, là, je m'engage sur des terrains qui pourraient... Oui. Observer le plus près. Oui, oui, mais je suis assez... Enfin, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, ce qui prolonge ce que j'ai dit, mais ça me paraît exact. Mais en même temps, il y a une espèce de... comment dire... Enfin, j'ai envie de dire que l'idée d'aller jusqu'au bout de la critique, aller jusqu'au bout de l'historicisme, etc., il y a une espèce de méfiance contre toute forme de spiritualisme. En gros, c'est ça, quoi. Il est sur une espèce de... Comment penser une expérience spirituelle qui ne tombe pas dans le spiritualisme, quoi. Je crois que c'est ça, quoi. Et il y a une espèce de méfiance extraordinaire, si bien que... Peut-être pour ça qu'il dit jamais positivement que la vérité échappe à l'histoire, quoi. Et il ne peut pas le dire d'une certaine manière, parce que ça serait peut-être précisément mettre entre parenthèses cette... Dans le bouquin, je fais une comparaison d'ailleurs qui m'était suggérée par Macheret dans un texte qu'il a écrit sur le texte d'Althusser qui s'appelle Lénine et la philosophie, je crois. Et à un moment donné, Macheret dit dans ce texte, par moment, il souffre comme une espèce de mystique. Et je crois que Macheret suggère un espèce de rapport entre cette mystique et, je sais pas, il me semble, et une espèce de théologie négative, quoi. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui disaient il faut surtout pas dire ce qu'est Dieu, mais il faut dire tout ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout dans la critique de toute forme d'anthropomorphisme. Hein, mais sans jamais dire positivement ce qu'est Dieu. Bah, d'une certaine manière, dans le rapport à la vérité, ne jamais dire que la vérité échappe à l'histoire, aller jusqu'au fond de la critique historiciste, si je puis dire. Et puis, voir ce qui reste, quoi. Bon. Oui. Bonjour. À la fois une remarque et une question. Il y a aussi une autre formulation de Foucault dans un texte qui est le texte aux historiens à la table ronde du 20 mai 78. Oui. Il se termine d'ailleurs assez curieusement par cette formule. Foucault dit « La spiritualité politique, c'est cela ». Se gouverner tout autrement à partir d'un tout autre partage du vrai et du faux. Oui. Donc ça va complètement dans le sens de ce que vous avez dit. Plutôt pour maintenant aborder une question, ce serait justement sur l'unité de cette notion de spiritualité chez Foucault, parce que il me semble que dans le texte sur l'Iran, ça vient plutôt comme une forme de saisie. Les individus sont saisis par l'histoire, de façon plus ou moins passive. En réalité, voilà, et c'est une sorte de fulgurance événementielle, hein, dans l'histoire qui échappe à l'histoire. Et puis, malgré tout, le concept de spiritualité tel qu'il est ensuite développé par Foucault, en particulier dans le cours de 82, il est associé alors aux techniques de soi et à la question de la subjectivation de la vérité. Oui. Et il me semble qu'il y a un peu un saut, un hiatus entre ces deux moments du concept de spiritualité. Il dit dans le texte sur l'Iran, il dit c'est l'enthousiasme, c'est le souffle divin. Hein, il y a une espèce comme ça de saisie par le ciel de l'histoire, alors que... dans les textes à partir de 82, la spiritualité est vraiment pensée à partir d'une technique de soi. Alors du coup, moi, mon hypothèse, et je voulais savoir ce que vous en pensez, c'est que justement, et dans le texte sur l'Iran, il y a aussi un autre moment. C'est pas dans le même texte où il parle du soulèvement. Je crois que le texte où il parle du soulèvement, c'est « À quoi rêvent les Iraniens ?» mais je suis plus sûr du titre. Il y a un autre texte où il dit « Ça retombera ». Justement, il parle des luttes et du soulèvement, et il dit ça retombera, justement, parce que c'est une fulgurance événementielle, hein, qui comme ça produit justement une altérité, mais par cette fulgurance événementielle. Et évidemment, toutes les fulgurances événementielles un peu liées aux événements révolutionnaires, eh bien ça retombe. Et à mon sens, voilà, l'hypothèse, ce serait, eh bien, comment faire pour s'altérer sans que ça retombe. Peut-être. Et comment construire un monde autre dans l'immanence du monde. Et c'est peut-être justement ce problème que Foucault constate après les événements iraniens, une fulgurance événementielle qui retombe, qui lui a donné l'idée peut-être des techniques de soi. Et d'ailleurs, les techniques de soi, ça commence en 80, juste après. Oui, alors, bon, je suis assez d'accord avec vous. Bon, j'ai peut-être une remarque à faire quand même, c'est que le saut que vous repérez entre 78 et ce qui est dit en 78 et ce qui est dit en 82, je dirais qu'il est davantage sensible si on en reste à 82. Parce que effectivement, en 82, bon, cette expérience spirituelle, c'est essentiellement une transformation subjective par la pratique de soi, etc. Et la parésia, elle est vraiment, elle est déjà définie dans le groupe 82, mais elle est définie dans cet esprit-là, c'est-à-dire comme une forme comme étant l'attitude que doit avoir le directeur pour faciliter précisément la transformation de soi-même, du dirigé, etc. C'est-à-dire que la parésia, elle a un sens, au moins en apparence, purement éthique dans le cours 82. Alors que si vous regardez les cours 83 et 84, même l'ouverture du cours du cours de 83 c'est le philosophe qui va dire son fait au tyran, enfin voyez, de façon provocante, de façon polémique, en risquant sa vie, etc. Donc on est installé dans une parésia qui est politique, qui est éthico-politique, en tous les cas, qui n'est pas purement éthique. Donc, je dirais que le saut que vous repérez entre 78 et 82, il est d'autant plus sensible que quand même les textes sur le soulèvement, c'est un nous, c'est-à-dire qu'il y a bien une transformation subjective, mais qui est prise dans l'enthousiasme de la révolution, quoi. En gros, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez dit. Bon, alors que en 82, évidemment, pas du tout. Mais si on regarde ce qui se passe entre 82 et 83-84, c'est pour ça que j'ai dit 83-84, c'était peut-être quand même une attitude nouvelle, puisqu'on passe d'une parésia qui est à 90% éthique, disons, à une parésia qui est éthico-politique, quoi. Et donc là, du coup, ça... Mais d'une certaine manière, ce que je dis, à mon avis, ne contredit pas ce que vous avez dit, mais plutôt le renforce, enfin l'appui, si je peux dire. Je vous donne des munitions, plutôt, il me semble. Complètement. Le saut ne porte pas sur passage de politique à éthique, oui, mais il porte sur le rapport du sujet à la vérité, c'est-à-dire oui, qu'il y a une saisie passive, et ensuite... en effet, il y a une espèce de... d'étapes, mais ça, je suis entièrement d'accord, hein. 79, c'est le nous, c'est la politique. 82, ensuite, on est dans l'éthique, et ensuite, on revient donc à la politique. Donc, de ce point de vue-là, il y a une continuité entre 79 et 84, ça, pas de problème. C'est juste dans le rapport du sujet à la vérité que ça se modifie. Deux interventions, là, je ne sais pas lequel des deux avait. Luca, tu veux... J'ai une question un peu plus générale et puis quelques remarques plus particulières sur le néolibéralisme. La question générale, c'est tout simplement pourquoi les propos de Dernier Foucault par rapport à la parésia, et notamment aussi de la parésia des cyniques, doivent aller dans le sens de l'adhésion. Il ne s'agirait pas plutôt d'esquisser une alternative, de faire l'archéologie d'une alternative qui est celle dont vous avez parlé à un certain moment, entre la position du psyché et de l'autre côté la position de la pratique, de la manifestation de la vérité dans les gestes, etc. Et je le dis parce qu'au fond, Foucault, il me semble, a toujours travaillé sur cette idée qu'il fallait faire l'histoire des alternatives de son présent. C'est vraiment le point qui régit toute l'architecture de l'émoi des choses, c'est l'histoire de l'alternative entre phénoménologie et structuralisme. Et je pense que dans les années 70, en fait, il y avait cette alternative, au fond, entre une politique qui s'inspirait des grands principes, de la vérité, etc., et puis une autre politique qui était une politique de la transformation des soi. Et ces thèmes, ils venaient d'une tradition par rapport à laquelle Foucault était extrêmement critique, et c'était la tradition de Marcuse, c'était la tradition du freudo-marxisme, c'était l'idée que finalement on libérera le monde en travaillant sur soi-même. Donc je me demande si finalement la question des cyniques, ce n'est pas un retour sur ces positions-là pour examiner ces sortes d'attitudes éthico-politiques. De façon peut-être plus critique que d'adhésion, hein, parce qu'on a peut-être... je pense que le fait que Foucault est mort en 1984 nous a fait aussi, a orienté toute la critique à penser le dernier Foucault pour quelqu'un qui nous a donné quand même quelque chose comme une leçon qu'il faudrait prendre. Mais justement, sa mort était imprévue. C'est-à-dire, c'était une pensée qui était en train de se faire, et comme vous l'avez dit, je pense qu'en fait Foucault est en train de revenir sur cette question du néolibéralisme. Sur cette question du libéralisme, alors je suis complètement d'accord avec vous sur la question de l'État. Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'en fait, si on regarde à l'État, à mon avis, c'est la raison de l'aveuglement de la philosophie par rapport au néolibéralisme. C'est-à-dire que nous, philosophes politiques, on continue de se concentrer sur l'État, mais si on regarde les positions des néolibéraux sur l'État, on retrouve toute la palette qui va du welfare state juste à l'État des nazis, à l'État des gendarmes, etc. En revanche, si on cherche l'unité du néolibéralisme, si on regarde la question de l'entreprise, alors là, on a un point sur lequel on retrouve une sorte d'unité du néolibéralisme, que ce soit Hayek, que ce soit les ordres libéraux. En fait, tout se converge sur l'idée que finalement l'entreprise de production des biens, mais non seulement des biens, mais elle va devenir la forme de la société elle-même. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, des ordres libéraux pouvaient passer tranquillement du côté du nazisme et d'Hitler, parce que Hitler aussi, au fond, il a promu cette idée de la petite entreprise familiale basée sur le patriarche, qui était pour lui une façon aussi de redonner un certain ordre à la société. Et c'était quelque chose que, par exemple, là, un autre nom qu'on ne peut pas citer parce que c'est dans les contextes foucaldiens, mais quelqu'un qui avait vu très bien tout ça, c'était Wilhelm Reich. Ouais. J'avais vu exactement que dans le nazisme, il y avait cette idée de forme de l'entreprise. Ouais. Bon, oui, alors, je commence par la fin sur le néolibéralisme. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, et c'est sûr, peut-être que si on... quand je dis il y a des néolibéralistes, c'est un peu une précaution méthodologique, parce qu'on a trop tendance à... Et en particulier, on a tendance à oublier que le mot néolibéralisme a été utilisé au départ par des gens qui pensaient que les libéraux du 19e siècle n'avaient pas pensé comme il faut la régulation politique, quoi. Mais sur le fait que peut-être que s'il y a cherché un point de convergence entre les différents néolibéralistes, c'est la valorisation de l'entreprise comme modèle pour penser la société et le rapport à soi aussi d'ailleurs, hein, et devenir entrepreneur soi-même, etc. Bon, alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon. Et ensuite, sur le fait que peut-être on a trop tendance à valoriser, parce que Foucault est mort, parce qu'il s'est arrêté, ce qu'il dit sur les cyniques, enfin, à penser que... Alors, effectivement, de toute façon, il est très prudent. Dans le texte que j'ai lu, il dit qu'il y a deux voies. Mais bon, il ne dit pas qu'il faut choisir, il ne dit pas explicitement qu'il faut choisir la voie cynique. Bon, mais de toute façon, Foucault est tout à fait étranger, comment dire, à l'idée qu'il y aura un modèle à reprendre. Peut-être ce qu'on peut quand même retenir, ce qu'on peut peut-être retenir de l'attitude cynique, c'est l'idée de lutter contre ce monde dans l'immanence du monde, ça oui. C'est-à-dire sur le refus, je dirais, d'une expérience spirituelle qui soit de type platonicien, qui consiste à aller vers un... non pas vers... dans ce monde, vers un autre monde, mais vers un autre monde au sens de Platon. C'est ça que j'ai voulu dire, simplement. Alors, de ce point de vue-là, sur le fait que je dirais que l'expérience spirituelle, elle doit se vivre dans l'immanence de l'histoire, il me semble que s'il reprend quelque chose des cyniques, des cyniques, c'est ça, quoi. Il me semble que c'est ça. Par vous. J'aimerais l'affirmation que Foucault reste marxiste jusqu'à 1976, quand il dit dans le cours de « Il faut défendre la société », il dit « Adieu ». Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai compris qu'il vous avait dit que dans les cours de 1976, il a dit « Adieu à la notion des révolutions ». Alors, si je ne me trompe pas, je crois que ça peut être un peu exagéré de dire qu'il reste une notion de révolution dans la pensée de Foucault jusqu'à ce moment-là. Parce que même dans les textes de Nietzsche, la généalogie de l'histoire, je crois que ce n'est pas possible de dire qu'il y a des révolutions. Et encore, même dans les autres livres de Foucault, même dans Le Mot et les choses, il fait déjà la critique à ces notions-là, et même toute l'archéologie. Je crois que ces adieux-là, ça doit être vu, peut-être, même dans les textes des années 50, quand il arrête de faire des genres d'analyses qu'il fait dans maladie mentale et personnalité. Parce que là-bas, il y a une notion d'évolution, mais après ça, je crois pas. Mais je vous avez raison, je pense pas qu'on peut. Mais je crois pas l'avoir dit. Si je l'ai dit, bon. Alors, je vais me reprendre, mais je ne crois pas l'avoir dit. Je ne pense pas du tout que Foucault était marxiste jusqu'à 1976 et qu'ensuite, bon, il a rompu avec le marxisme. D'abord, Foucault dit, il n'y a aucun texte de Foucault où il se déclare marxiste. Hein. Bon, il n'y a aucun texte de Foucault où il se réclame marxiste et il dit toujours que, en plus de ça, quand il reprend, qu'il lit Marx, que parfois il l'utilise, et quand il l'utilise, d'ailleurs, il n'a pas besoin forcément de claironner sur les toits qu'il l'utilise. Hein. Comme si c'était, comme si Marx était les Saintes Écritures. Enfin bon, donc, et ça de. Je dirais, vous avez raison, même avant 70, etc., etc. Simplement, ce que j'ai. Par contre, ce qui se passe. Alors, quand je dis que c'est l'adieu à une politique pensée sur l'horizon de la révolution, de la violence révolutionnaire, de la lutte de classe, etc. Bon, il se trouve que Foucault, dans les années 68-76, travaille avec des gens. Travailler avec des gens, ça c'est clair, qui se réclament du marxisme révolutionnaire, en gros. Hein. Bon, ça c'est clair. Donc les gens avec qui travaillent, comment dirais-je, ils pensent leur lutte sur cet horizon-là. C'est-à-dire que l'horizon de lutte, l'horizon théorique, si vous voulez, des gens avec qui travaille Foucault, c'est ça. Et il explique d'ailleurs dans le cours de 76 que d'une certaine manière que la politique est hors du vide, c'est-à-dire que en gros, si on ne pense pas, si on ne discute pas d'une discussion un peu plus globale de la politique que ce qu'il a fait auparavant, bien de fait, il y aura une espèce de modèle implicite qui se mettra en place, qui sera soit le modèle de la répression, soit le modèle de la politique comme guerre continuée. Et il dit, bon, ben, plutôt que d'en rester à ces modèles implicites, ces modèles, on va les mettre sur la table, on va les expliciter, et on va les soumettre à un examen généalogique. C'est ce qu'il fait pour le modèle de la politique comme guerre continuée. Donc là, non, c'est pas un adieu au marxisme, le cours 76. C'est un adieu à l'horizon implicite de ses compagnons de lutte, disons, dans la période, je dirais, 70-76. En gros, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Bon, mais sur votre mise au point par rapport au marxisme, bien sûr. Oui, enfin, je peux intervenir parce que. pour introduire en même temps une question et rebondir, prolonger ce que vous avez dit. Bien après 76, Foucault continue à se réclamer de Marx. Oui, bien sûr. Continue à se réclamer de Marx en proclamant, en disant ouvertement sa fidélité à Marx contre les marxistes. Et à s'appuyer sur la lecture qu'il fait de Marx pour continuer à travailler sur les rapports de pouvoir et en disant, au fond, je suis l'héritier de Marx, et en se revendiquant de toute une série de textes de Marx, en particulier des textes historico-politiques. Donc faire de Foucault un anti-Marx, je crois que c'est une profonde erreur. Simplement, Foucault, me semble-t-il, a enfoncé un coin entre le discours de ses compagnons dans ces années-là, et leurs pratiques, et je dirais les expériences historiques collectives auxquelles ils participaient. Je pense que, au fond, les politiques de Foucault ne peuvent pas être indépendantes ou mises à l'écart des politiques, des expériences politiques de l'époque, qui me semblent être absolument fondamentales et avoir entraîné chez Foucault même cette conception, cette de la politique comme double altération de soi et du monde. Car ce qu'il conteste, c'est bien la politique réduite à sa forme parti et à son horizon de prise du pouvoir de l'État. Et ce qu'il voit parmi les gens qui l'entourent, la nouvelle génération de gens qui sont à la fois des militants mais autre chose que des militants, c'est cette double exigence de changer leur vie, de changer leurs pratiques, de changer leurs rapports, en même temps que de changer, je dirais, la politique elle-même et sa définition classique, parmi en particulier les marxistes. Alors ça me semble un point important de réinscrire cette démarche de Foucault dans cette histoire-là. Car il n'est pas seul, effectivement, il sait qu'il est un nous, enfin qu'il participe à un nous, à une expérience politique qui renouvelle d'une certaine façon l'action politique, la pratique politique. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi cela qu'il reproduit dans ses analyses, et en particulier dans ses analyses du néolibéralisme, parce que là, ce qui me paraît clair, c'est précisément l'unité qu'il voit dans la rationalité néolibérale, qui est précisément, non pas dans les textes qu'il analyse, mais dans ce qu'il en fait, et dans ce qu'il voit que l'on en fait, c'est-à-dire dans les pratiques de pouvoir qui se sont mises en place en France avec Giscard et Barre, c'est-à-dire une liaison entre une altération du milieu, du monde. Ferrat, ici présent, a bien montré le rapport qu'il y avait entre Canguilhem et Foucault sur ce point, c'est-à-dire le fait que la stratégie néolibérale consiste à transformer, en effet, le contexte, la situation, le cadre de l'action, avec en même temps un appel à un changement du sujet, à une certaine forme de subjectivation, et qu'il voit dans un autre compartiment du néolibéralisme, dans le renouvellement de l'homo economicus, etc. Hein. Et je crois qu'au fond, Foucault n'essaie pas de faire une histoire du néolibéralisme, qui effectivement est pluriel, il essaie de faire une généalogie de la rationalité néolibérale en acte à l'époque où il écrit, où il voit les choses. Ouais, c'est pas une question, c'est oui. Ferrat. Moi, j'avais une question sur une question précise sur la transition en fait entre le cours sur le néolibéralisme et la série qui vient après sur l'éthique. Alors, à la fin de ce cours de 79, donc Naissance des vieux politiques, après avoir analysé la figure de l'homme économique dans le néolibéralisme, comme étant justement l'homme maniable, gouvernable, par l'environnement, etc. Et il commence à faire, même rapidement, ou alors il signale qu'il serait souhaitable de faire en tout cas, une généalogie du sujet d'intérêt. Oui. Et en disant, grosso modo, que ce sujet qui calcule son intérêt, donc en termes de maximisation de son intérêt, etc., est le pilier irréductible. En tout cas, il utilise le terme irréductible du libéralisme, c'est-à-dire comme si philosophiquement on ne pouvait pas aller au-delà de cette logique subjective de l'intérêt. Sauf si on change complètement la logique avec laquelle on pense le lien entre le sujet et la vérité. C'est-à-dire, est-ce que, donc la question c'est ça, est-ce que le lien entre les analyses sur le libéralisme et le thème de subjectivation par la vérité qui vient après, réside pas justement dans la critique du sujet d'intérêt oui. comme étant le pilier irréductible du libéralisme. Et si on regarde les choses de cette manière-là, je pense que ça serait difficile de parler de retour du sujet, ou le retour de l'éthique, ou encore moins, à mon avis, le retour des thèmes théologiques qui seraient présents dans sa jeunesse, etc. Mais en fait, je crois que ça s'inscrit dans une recherche sur les alternatives historiques au sujet d'intérêt. Comment vous réagissez à cela? Oui. Intervention, plutôt question. Mais... La difficulté, ça serait que, à ma connaissance, quand en particulier Foucault parle d'Adam Smith, par exemple, je parle sous contrôle si je dis une bêtise, il y a quelqu'un qui va me corriger ici, et j'ai l'impression que ce qu'on appelait le problème Adam Smith, c'est-à-dire le rapport précisément entre l'homo economicus comme sujet d'intérêt avec tout ce que Adam Smith montre dans la théorie des sentiments moraux, c'est-à-dire l'affectivité en somme, hein. Ça c'est pas tellement présent en tous les cas, il y a rien dans le cours 79 là-dessus. Et alors, pour aller dans ton sens, si tu veux, c'est parce que, alors que au contraire, la question de l'affectivité, du travail sur soi en ce qu'il implique, la prise en charge de l'affectivité, c'est fondamental, il me semble, entre 80 et 84. Donc effectivement, si on voulait aller dans ce sens-là, ça supposerait qu'on récuse une analyse de la subjectivité libérale ou néolibérale uniquement en termes de subjectivité intéressée, ce qui est peut-être quand même assez réducteur finalement, hein. Et qu'on montre comment il faut remettre sur la table la question de l'affectivité. Mais je ne crois pas que Foucault fait allusion à fait allusion justement. On en a parlé à un colloque l'an dernier, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on fait toujours appel à Dan Smith sur cette histoire de l'homo economicus, du sujet intéressé, etc. Et là, Foucault reprend cette genèse en termes de sujet d'intérêt, comme s'il n'y avait pas un autre volet de l'affaire. Et quand on voit les textes, quand on voit le texte, les textes, par exemple, vous savez, dans le fameux texte dans la théorie des sentiments moraux, l'homme qui range sa chambre, et finalement qui passe beaucoup de temps à remettre tout en ordre parce que le domestique avait laissé le bazar, et en gros, Adam Smith dit, mais si on raisonne en termes de calcul d'intérêt, en fait, c'était pas du tout rationnel, son attitude. Il avait intérêt à laisser le bazar, ou bien l'homme qui achète une montre très chère pour gagner un millimètre de seconde d'exactitude, mais en termes de calcul d'intérêt, c'est complètement faux. Donc en réalité, c'est l'amour de l'exactitude ou l'amour de l'ordre, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le calcul intéressé, qui permet de comprendre ce genre d'attitude. Bon, et ça, c'est Adam Smith qu'on a fait un des pères de l'homo economicus. Donc là aussi, il faudrait se replacer dans le contexte où Foucault écrit le cours, c'est-à-dire que peut-être que ces thèmes n'étaient pas, si développé, si analysé qu'aujourd'hui, quoi. Mais en tous les cas, la médiation entre ce que tu dis et les cours de, c'est effectivement la prise en compte de l'affectivité, quoi, en particulier, des sentiments moraux. Oui. Comme l'exposé, c'est sur l'unité politique de Foucault et pas l'unité philosophique. Oui. Et donc sur l'histoire de la vérité et des fondamentalités, très bien, mais le premier Foucault dévoilait les choses, la déconstruction de la raison classique, il pointait sur l'histoire de la généralité de la volonté. Et donc le Foucault terminal brutal, on ne sait pas quoi faire de la rationalité. L'hypothèse que vous suggérez, la connaissance par partage du soi et de l'autre, sa connaissance par gouvernementalité, j'ai l'impression que la figure de gouvernementalité remplace la rationalité. Et donc, dans l'alternative, ce qu'il faut étudier, l'alternative peut être qu'une nouvelle gouvernementalité ou une déconstruction des rationalités. Mais il n'y a pas d'alternative politique qui se construirait sur une nouvelle rationalité, dans le champ foucaldien. Donc, vous voyez, je me rapporte à la question de la rationalité au début, et elle est dissoute, déconstruite. Oui, alors ce que vous dites rejoint un peu les analyses de quelqu'un qui a pas mal travaillé sur Foucault, mais je crois pas que vous l'avez invité, non, elle n'est pas dans le programme, Béatrice Hain, et on avait publié un texte d'elle avec Guillaume Leblanc, là, dans un premier collectif sur Foucault. Bon, et en gros, justement, elle pointe un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en gros, certains ont dit, à l'époque, les deux derniers cours n'étaient pas publiés, hein, il y avait juste l'herméneutique du sujet qui avait été... Certains ont dit, à la lecture de l'herméneutique du sujet, bon, ce qu'ils disent sur le moment cartésien, avec le tour de Spire, etc., avec le sujet kantien derrière, etc., comment cette attitude de Foucault était compatible avec le premier Foucault épistémologue, le Foucault de l'archéologie du savoir, du monde et les choses, etc. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que le dernier Foucault, quand il critique une philosophie coupée de la rationalité, précisément, qu'est-ce qui fait de son travail antérieur avec Canguilhem, etc., etc. Bon, et bon, alors là, je pense qu'il faudrait regarder, mais Foucault en parle de ça, je crois qu'il en parle quand il parle de Kant, et quand il explique que finalement, vous savez, son attitude par rapport à Kant, qui consiste à prendre un peu Kant à revers, et à valoriser le fameux texte sur qu'est-ce que les Lumières, et non pas les trois grandes critiques. Bon, les trois grandes critiques, et il me semble qu'il y a des textes de Foucault, quand il parle de ça, où il dit que cette façon de prendre Kant à revers, hein, et de valoriser qu'est-ce que les Lumières et non pas les trois critiques, en fait, c'est tout à fait compatible. En fait, c'est tout à fait compatible avec son travail d'histoire des sciences antérieure, parce que précisément son travail d'histoire des sciences antérieure avait, réinséré la question du rationnel, ce que vous dites. Dans l'expérience historique. C'est-à-dire qu'il analyse, c'est-à-dire qu'en gros, il dit au fond, quand je travaillais en histoire des sciences, quand je travaillais avec Canguilhem, etc., au fond, je luttais déjà contre une rationalité qui aurait été coupée de l'expérience historique, etc. Et donc finalement, l'idée... Et alors, il y a ce fameux texte où il dit que finalement, des gens comme Cavaillès et Canguilhem, apparemment, ils étaient tout à fait étrangers à l'histoire dans leur travail scientifique, et en fait, que Cavaillès a été un résistant extraordinaire. C'est-à-dire, il dit ce type d'attitude, peu militante, enfin coupée de la pratique, etc., elle est beaucoup plus politique qu'on ne le croit, etc., et il faut peut-être, et on peut chercher l'engagement politique de ce côté, et non pas forcément du côté d'une attitude, à la Sarthe à l'époque, je crois que c'est dans le rappel. Donc en fait, d'ailleurs, j'en parle je parle de cette objection, dans la conclusion de mon livre, il me semble. C'est-à-dire que, parce qu'il me semble que votre question ressemble un peu aux questions que pose Béatrice Hain, là. Donc j'en parle en détail, là. J'essaye de répondre à ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'objection, là ? Elle est sérieuse ou elle est uniquement dans un questionnement interne ? Mais Foucault n'a jamais. Enfin, il me semble qu'il. Il ne rompt pas avec son travail antérieur en histoire des sciences. Enfin, moi, je ne crois pas que le dernier Foucault, c'est un Foucault qui... Même si ces questions ne sont plus au premier plan. D'autres... Est-ce que je peux ajouter un mot ? Oui. Au début de votre présentation... vous avez dit que dans un certain sens, la politique serait toujours là dans la pensée de Foucault, mais dans un autre sens, qui la politique, la politique au singulier, serait quelque chose qu'il a développé dans les années 70. Alors, je voudrais comprendre mieux qu'est-ce que c'est cette différence entre les certains sens de la politique où Foucault serait toujours une théorie qu'un philosophe qui pense la politique et quel est l'essence de qui vous avez dit pour la politique qu'il a développée aux années 70. Oui. Mais, si on reprend, vous savez, l'itinéraire de Foucault, il y a une espèce de triptyque classique, hein, mais qui se trouve, je crois que c'est Deleuze qui l'a formulé, un des premiers, il me semble, mais bon, en gros, il privilégie dans un premier temps le thème du savoir, ensuite il privilégie le thème politique, et ensuite il privilégie en gros le travail éthique et le travail sur soi. Bon, alors si on en reste à ce découpage, si vous voulez, le moment où la politique est explicitement présente, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est 78-79. Bon, mais bon, elle est d'autant plus présente explicitement que du point de vue de la pratique militante de Foucault, c'est à ce moment-là qu'il est le plus qui fait le plus de choses, qu'il est le plus actif. Après, il a fait d'autres, il a eu une activité politique après 80, mais enfin, c'était pas aussi présent. Bon, alors ça, c'est, je dirais, c'est les apparences. Bon, mais il me semble que les textes que j'ai cité, premièrement sur ce qui a motivé son attitude au moment où il était au PC. C'est-à-dire, en gros, c'est quand même un moment important, c'est le moment de sa formation intellectuelle. On voit que l'attitude de... Quand il dit « Nous sommes la génération de l'après-guerre, nous avons assisté au régime de Vichy, au nazisme, etc. » Et donc, nous voulions être radicalement haute dans un monde radicalement haute. Bon, il me semble que c'est une attitude politique, éthique, etc. Et d'ailleurs, dans le même entretien, c'est assez extraordinaire, il présente les sacrifices, entre guillemets, que lui demandait la discipline du PC, comme une forme d'ascétisme. C'est-à-dire, au fond, quand il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas et qu'on était obligé d'avaler, c'était une façon pour nous de nous déprendre de nous-mêmes. Enfin, c'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans, je crois. Bon, hein, donc, il présente presque le sacrifice de soi qui est imposé aux militants communistes comme une espèce d'expérience spirituelle, déjà une expérience d'ascétisme, hein, dans ce même entretien. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon. Donc, la politique, elle est présente depuis le début. Il me semble que, effectivement, quand il fait essentiellement un travail d'histoire des sciences, bon, dans son rapport compliqué avec Canguilhem, bon, les mots et les choses, l'histoire de la folie, l'archéologie du savoir, etc., bon, il me semble que ce qu'il y a de politique dans son attitude, c'est l'idée précisément de refuser de couper la vérité, la rationalité de l'expérience historique. C'est ça qui est politique dans cette attitude. Mais effectivement, la politique à ce moment-là n'est pas au premier plan. Bon, et pour ce qui est de la période 80-84, je ne veux pas reprendre mon exposé, mais il me semble qu'il y a un moment, effectivement, au moment de l'herméneutique du sujet, où il paraît s'être éloigné de la politique, mais je crois que, bon, il corrige immédiatement le tir. Enfin, les deux derniers cours montrent que cet éloignement de la politique est apparent. Hein. Mais simplement, effectivement, il se déprend peut-être d'une pratique politique qu'il avait eue auparavant et qui ne le satisfaisait pas entièrement et qui voulait altérer, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que je vous ai répondu à peu près ? Oui, oui, je suis d'accord avec ça et j'essaie aussi de travailler sur ce sujet-là. Non. Et je crois que seulement pour ajouter une chose dans la discussion, je d'accord. crois qu'il va. Au début de sa recherche, quand il s'engage dans la recherche de la pensée cynique ancienne, ça aide beaucoup à comprendre les effets de sa recherche, les résultats de sa recherche, aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que c'est la politique pour Foucault. Parce que quand il montre la vie militante des cyniques, il montre aussi la politique dans un sens plus élargi. Et il parle de ça dans quelques autres textes, dans quelques entrevues. Entretiens. Entretiens, oui. Et je crois que dans un sens plus foucauldien de la politique, je crois qu'il est toujours, elle est toujours là. Je voulais juste, si vous pouviez rappeler la référence où il dit « nous voulions être radicalement contre ». Alors, ce texte, c'est un entretien de 78. Alors attendez, je vais vous donner la référence, je vais la retrouver. Alors, c'est dit écrit, numéro 281. Et ça doit être le tome 4, mais elle n'a pas l'édition. Donc, si je dis, j'ai mis tome 4, c'est, vous savez, l'édition 4 volumes, là. Et c'est page 49. C'est un très très long entretien. Et c'est là aussi, tiens, c'est dans le même entretien, pour répondre à la question qui m'a été posée là, sur la rationalité, où il revient sur son travail d'histoire des sciences, justement. Il y a des choses là-dedans sur le sens de son travail dans l'esprit de Canguilhem. C'est un cahier de l'art qui date de l'époque de l'histoire des sciences. Oui. Le numéro Foucault, quoi. Il y a un entretien. Oui. Et on sent qu'il balance le côté candidat et puis le côté il croyait aux politiques. Oui. Tout en prenant ce qui est passé, la distance avec ça. Oui. D'autres. Moi, je voulais juste revenir sur la question de l'État. Il me semble. Il y a un point qui est aussi très décisif et qui pose problème par rapport même à l'enjeu de cette discussion, c'est-à-dire l'unité des politiques de Foucault, c'est le fait que Foucault donne le sentiment d'avoir voulu très délibérément penser le politique en dehors de l'État. La politique déborde en effet le cadre de l'État. Son hostilité assez constante à la problématique de la souveraineté et aux auteurs classique de la souveraineté, comme tu le montres très bien, indique bien cette volonté d'être en dehors, sortie de la pensée de l'État. Mais est-ce que ça n'hypothèque pas, d'une certaine façon, certaines actualités de Foucault ? Je veux dire que Foucault est repris un peu partout sur les thèmes de l'assujettissement et de la subjectivation, mais en même temps, Foucault ne semble pas vraiment pouvoir être utilisé, enfin, dans la boîte à outils des alternatives aujourd'hui, sous l'angle de la critique de l'État, ou en tout cas du problème de la souveraineté, ou de la question de la démocratie. Alors, il y a beaucoup de discussions autour du rapport, par exemple, de Deleuze à la démocratie, de nombreux textes, des colloques, etc. Mais est-ce que, je voudrais te poser la question suivante, est-ce que finalement cette pensée en dehors de l'État, d'une certaine façon, n'empêche pas quelque chose, c'est-à-dire finalement de relier le travail de Foucault, les recherches de Foucault, et aujourd'hui les mouvements sociaux, les pratiques de lutte qui, façon ou d'une autre, posent toutes dans le monde la question de la démocratie, de la sortie de la démocratie ou de le renouvellement de la démocratie, etc. Ouais. Alors, peut-être qu'il faudrait, pour répondre, distinguer la question de l'État et la question de la démocratie. Pour ce qui est de l'État, moi je crois que, enfin, comment dire, d'abord il y a un premier indice, justement peut-être l'intérêt des textes sur la phobie de l'État, enfin, ils se démarquent très fortement du thème de la phobie de l'État. C'est peut-être une façon de dire, pour lui, bon, on me prétend anti-étatiste, mais en fait, la phobie de l'État et la survalorisation de l'État, c'est la même chose. Enfin, moi, s'il y a un intérêt à ce thème de la phobie de l'État, qui par ailleurs, en tant que grille d'analyse du néolibéralisme, peut être contestable, mais ça a peut-être un intérêt par rapport à l'itinéraire de Foucault lui-même, pour montrer qu'il faut peut-être tempérer cette idée que Foucault serait fondamentalement hostile à l'État, quoi. Et je crois qu'il refuse aussi bien la valorisation positive de l'État que la valorisation négative de l'État. Premier point. Et il me semble qu'il y a... Enfin, si ma mémoire est bonne, ça doit être dans le cours 79, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Il y a l'idée... Il esquisse l'idée... que à partir de l'analyse des pratiques de gouvernement, on pourrait faire une espèce de généalogie de l'État moderne, de l'évolution de l'État moderne, etc. Alors c'est programmatique, hein, c'est programmatique, mais il y a une page là-dessus. D'ailleurs, j'essaye de répondre dans la conclusion de mon livre à l'objection Foucault, est-ce qu'il serait pas trop anti-étatiste, etc., qui est un petit peu la question que tu poses, j'aborde ça, c'est-à-dire qu'au fond, peut-être qu'il propose davantage de prendre la question de l'État à revers, de la prendre d'une autre manière, plutôt que de l'évacuer complètement. Et d'ailleurs, on pourrait faire le même type d'analyse à propos justement de sa mise à l'écart de la souveraineté, parce que, alors, j'attire l'attention sur un chapitre de mon livre qui est très important pour moi. C'est celui où j'essaye de montrer qu'on peut utiliser pour Foucault, pour relire Bodin, et relire la question de relire tous les textes de Bodin sur la question de la souveraineté de façon extrêmement intéressante, c'est-à-dire que finalement peut-être en rendant l'analyse de Bodin beaucoup plus complexe, c'est-à-dire en montrant comment l'invention de la souveraineté s'est faite chez Bodin, etc. Bon, donc, et moi j'ai essayé, c'est-à-dire que paradoxalement, Foucault, à mon avis, est utile pour mieux lire le Léviathan ou pour mieux lire Bodin. Voilà, c'est ce que je voudrais essayer de montrer. J'ai fait un texte vous savez, le colloque sur les usages de Foucault, là, qui va paraître je ne sais pas quand. J'ai fait un texte sur l'usage qu'on peut faire de Foucault pour mieux comprendre Hobbes, ce qui est un peu bizarre parce que bon, effectivement, on pourrait se penser que Foucault n'est pas de grande utilité pour bien lire Hobbes, mais j'essaye de montrer que on peut en particulier relire la théorie de la souveraineté, relire le Léviathan, peut-être plus le Léviathan que le Dekiwe d'ailleurs, pour montrer comment l'éclairage de Foucault permet de découvrir des pans entiers de la théorie de Hobbes qui sont peut-être un peu trop négligés. Bon, alors voilà sur la théorie de l'État. Alors effectivement, sur la question, alors peut-être que je serais plus critique par rapport à Foucault sur la question de la démocratie, parce que c'est vrai que au fond, comment dire, il a tellement tendance à appeler à la vigilance critique par rapport à une espèce d'éloge de la citoyenneté, de la démocratie, de la prise en charge collective par les citoyens de leurs problèmes, etc., en montrant, mais nous racontez pas d'histoire, il y a toujours des rapports de pouvoir, par rapport à la démocratie, il est dans une attitude de vigilance critique qui consiste à dire finalement, bon, les rapports de pouvoir sont présents partout, y compris dans les États les plus démocratiques, etc. Bon, et puis il n'y a qu'à revenir aussi sur ces... S'il y a un point commun, d'ailleurs j'en parle, s'il y a un point commun au cours de 70 et au dernier texte de Foucault, c'est que par rapport... Enfin, c'est le fossé qu'il y a entre les analyses de Foucault et de Castoriadis sur la prise en compte, par exemple, de l'expérience démocratique d'Athènes. Alors ça, on est dans. Donc effectivement, il y a toujours une attitude de Foucault de réserve par rapport à la démocratie, si bien que pour penser les nouvelles formes de démocratie qui peuvent surgir, bon, c'est vrai qu'il n'est pas d'une grande utilité. Bon, en gros, Foucault nous prémunit contre un éloge intempestif de l'éloge de la démocratie. Hein. Il nous dit attention, il y a toujours des rapports de pouvoir. En gros, l'autogouvernement, c'est bidon, quoi. L'autonomie, c'est bidon. Il y aura toujours des gouvernants et des gouvernés. Mais je pense qu'en rester à cette vigilance critique par rapport au rapport de pouvoir, ça ne suffit pas pour penser la démocratie. Ça, c'est tout à fait entièrement raison. Oui, Pierre. Juste faire une remarque là-dessus. Je vais essayer d'être assez rapide, à la fois sur l'État et sur la démocratie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le but de Foucault sur l'État, c'était d'éviter à la fois ces deux attitudes de critique anti-étatiste ou bien de survalorisation du problème de l'État à travers la prise du pouvoir d'État. Et moi, il me semble que Foucault essaye de traiter ce problème de l'État à travers la question des index de vérité sur lesquels s'organisent les pratiques gouvernementales, les formes de véridiction sur lesquelles sont indexées les pratiques gouvernementales. Et je pense que le point de vue de Foucault serait de dire que les expériences de l'État se transforment, sont variables, sont différentes avec l'histoire, suivant les types de vérité à travers lesquelles les pratiques gouvernementales sont indexées. Et ça, c'est ce que je voulais dire sur la question de l'État. Et après, donc ça voudrait dire que voilà, selon la vérité, le critère de vérité qu'on utilise pour organiser les pratiques de gouvernement, eh bien, on aura différents types d'États avec des rapports de pouvoir plus ou moins intensifiés. Et puis sur le rapport entre vérité et démocratie, il y a quand même quelques passages que vous connaissez très bien d'ailleurs du cours de 83. Je pense que la position de Foucault est de dire que les rapports entre vérité et démocratie sont jamais résorbables l'une dans l'autre, c'est-à-dire que la démocratie il y a toujours une tension en fait entre la démocratie et la vérité, et parce que à la fois sous l'espèce de la parésia, la vérité peut être une condition de la démocratie, mais en même temps la démocratie comme règne de l'opinion peut menacer l'existence même de la vérité. Donc ce qui intéresse Foucault, c'est les formes variables des relations entre vérité et démocratie, qui encore une fois, elles aussi sont variables historiquement. Et peut-être qu'ici, en tout cas moi c'est comme ça que j'aurais tendance à le comprendre, qu'on pourrait aussi analyser les rapports historiques entre les formes de véridiction et différents processus de démocratisation ou de dédémocratisation. Par exemple, si on prend la vérité économique ou le néolibéralisme, il est clair que ça va de pair avec un processus de dédémocratisation. Ce ne serait pas très difficile de le montrer, puisqu'à partir du moment où on utilise un critère de vérité économique pour gouverner, eh bien, à chaque fois qu'une manifestation démocratique existe, on peut dire aux gens, eh bien, non, il n'y a plus de sous. Donc ce type de vérité-là, il implique un processus de dédémocratisation. Et inversement, je pense qu'on pourrait analyser de façon variable et historique les différents types de vérités sur lesquelles s'indexent les pratiques gouvernementales pour montrer qu'à chaque fois, elles vont dans un sens plus ou moins grand de démocratie ou non. Donc, du coup, à mon avis, Foucault ne s'intéresse pas beaucoup à la question de est-ce qu'on vit dans des démocraties ou pas, à la question du régime politique. Justement, comme vous l'avez dit, il y a toujours des rapports de pouvoir, même dans les sociétés démocratiques. Mais peut-être plutôt qu'on pourrait le tirer du côté de une conception un peu plus dynamique et processuelle de processus de démocratisation, dédémocratisation, ce qui a été fait un peu par exemple Wendy Brown. Oui. Alors, pour vous répondre, peut-être que je vais vous donner deux, trois détails là-dessus. Quand même, si on prend les cours de 83-84 sur la question de l'attitude de Foucault par rapport à la démocratie grecque, moi, ce qui me frappe quand même, premièrement, bon, le héros démocratique de la parésia dans le cours de 83, c'est Périclès. Bon, mais ceci étant, honnêtement, si vous lisez les analyses que Foucault fait à partir de Thucydide des discours de Périclès. Bon, d'abord, c'est très bref dans le cours. Ça n'a pas l'air de le passionner. Bon, il ne dit pas des choses d'ailleurs extraordinaires là-dessus. Si vous comparez ça, par exemple, au séminaire de Castoriadis sur la même question, bon, je dirais que l'équilibre est vite trouvé. Donc, je dirais que Périclès est un héros de la démocratie, de la parésia démocratique, mais assez pâle. Bon, et puis si vous regardez ce qu'il dit l'année suivante, il dit au fond, il radicalise sa critique de la démocratie grecque. Bon, il dit non seulement la démocratie grecque, il ne dit plus simplement qu'elle pouvait être sauvée s'il y avait une élite capable de dire la vérité comme Périclès, mais il dit que au fond il y a une espèce d'incapacité structurelle de la démocratie grecque à faire appel à la parésia, et pour le montrer il utilise Platon sans un mot de critique. C'est quand même tout à fait étonnant, vous connaissez l'attitude de Platon par rapport à la démocratie grecque. Et ensuite, quand il arrive, parce que quand même, celui qui a essayé de penser un peu la démocratie grecque, plus que Platon, c'est Aristote. Bon, je suis en train de préparer un bouquin sur les politiques d'Aristote, et Foucault n'en parle pratiquement jamais. Bon, Foucault n'aime pas beaucoup Aristote. Hein, sauf dans ce cours de 84, il y a une page sur Aristote, et il commente le fameux texte du livre 3 des politiques, vous savez, où la classification des régimes, la bonne forme de démocratie n'a pas de nom. Et ça s'appelle Politeia. Et Foucault commente en disant, si la bonne démocratie n'a pas de nom propre, c'est tout simplement qu'elle n'existe pas. Et donc, en gros, Aristote a le même point de vue que Platon, finalement, sur la démocratie, mais de façon un peu honteuse. Je caricature à peine. C'est-à-dire, en gros, c'est un d'Aristote, bon, sans tenir compte qu'il s'arrête au livre 3, hein, qu'après, il y a toute une réflexion de Platon pour savoir, d'Aristote, pardon, au livre 4, au livre 5, au livre 6, pour montrer comment effectivement la politeia, c'est-à-dire la forme droite de régime populaire, peut fonctionner. Et ça, Foucault ne s'y intéresse absolument pas. Donc, il y a quand même, si vous voulez, bon, il y a une espèce de... Alors, il ne s'agit pas de faire l'éloge de la démocratie grecque, parce que la démocratie grecque, quand vous comparez aux analyses de Castoriadis montre à partir de Thucydide qu'il y a une espèce de tragédie, c'est-à-dire que finalement ça a échoué, il analyse pourquoi ça a échoué, etc. Mais en même temps, il prend en compte l'intérêt de l'expérience. Et on a l'impression que Foucault le fait absolument pas, quoi. Le fait absolument pas, qui s'intéresse absolument pas à ça. Et de ce point de vue-là, il y a continuité entre ce qu'il dit sur la démocratie grecque en 84 et ce qu'il dit sur la démocratie grecque en 70, parce que précisément, c'est intéressant, il parle aussi de la démocratie grecque en 70, dans les leçons sur la volonté de savoir. Et j'en ai parlé un petit peu d'ailleurs dans cet article de ça. Bon, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions ou interventions, on va arrêter là. Enfin, un grand merci à Jean Terrel encore, hein, pour son intervention. Et rendez-vous au 14. 14 décembre. Merci encore de votre invitation.